vini, dis-moi tout ça. Comment on vini là? Comment on vini là? Ça qui vit dans là? Vini raconter ça. Comment on vini là? Comment on vini là? Hello. Hello. Trop longtemps, moi, en vie, well. Trop longtemps, moi, les sentis ou pas, moi. Ça va manger moins, moi pas quoi, moi t'es depuis longtemps. Hello, hello. Bah tout le monde, moi t'es carrément des poules. Moi t'es toujours les savons nouvelles. Sauf si ou t'es toujours si belle. Moi décidé. Que j'en vais d'eau pour elle. Ça qui vivait là. Vini, dis-moi tout ça. Comment vini là? Comment on vini là? Hello. Hello. Pour moi, on trop maquillé. Comment vini là? Mais comment vini là?